cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fala nazal wa lillahi alhamd. نقرا في هذا الشرح الطيب شرح الأصول الثلاث للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى et les dernières choses qu'on avait étudiées ensemble نعم c'est les quatre مسائل من سورة العصر enfin qui sait qui peut nous citer les quatre مسائل qu'on doit tous connaître من سورة العصر et nous cite la première مسألة et nous montre في سورة العصر elle est dans tel verset وهكذا les quatre مسائل la première عندمن العلم et c'est quel passage dans sourate al-asr illa alladhina amanu ayna al-ilm la amilu c'est l'amal et illa alladhina amanu c'est l'iman il a pas dit illa alladhina alimu wa amilu il a dit amanu fa ayna al-ilm أنه لا إيمان إلا بالعلم. Comment tu vas croire quelque chose si tu ne connais pas cette chose? فلا بد. مثلا العلم c'est معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. Ces trois choses c'est l'iman. هذا إلا الذين آمنوا. Ce iman il est fondé sur العلم. أي العلم بالله بأسمائه وبصفاته بربوبيته بألوهيته معرفة الإسلام معرفة النبي etc. أركان الإيمان الست. La deuxième مسألة. العمل. من أين في سورة العصر؟ وعمل الصالحات. الله سبحانه وتعالى إلى ست العمل إلى ست العمل الصالح. لأن سبحان شك عمل كأكسبت. العمل كأكسبت عند الله. إكي تصبغ إن الإنسان لفي خسر. Illa man, tous les êtres humains vont à leur perte. Sauf qui? Illa alladhina amanu, et ceux qui ont l'iman, ou amilu s-salihat. Enfin, c'est pas n'importe quel amal. La bud min al-amal s-salih. L'amal s-salih, c'est l'amal qui est sincère pour Allah et à la sunnah de Nabi alayhi salatu salam. Troisième mas'ala, عندك? قبل هذا, عندك? الدعوه. Tu l'as pris d'où في سورة العصر? أحسنت وتواصوا بالحق إلى dernière الصبر وتواصوا بالصبر هذا c'est un كلام جميل et c'est une sourate importante فلهذا قال on lit كلام شيخ الإسلام قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله الشافعي هو الإمام المشهور أحد العلماء الكبار un grand savant de l'islam al-imam al-shafi'i rahimahullah Muhammad ibn Idris qala wa ahad al-a'immati al-arba'a il fait partie des quatre grands imams qui sont connus fil umma al-imam al-shafi'i wa qablahu al-imam malik wa qabla al-imam malik al-imam abu hanifa et après l'imam al-shafi'i c'est un de ses grands élèves al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ورحمة الله عليهم جميعا قال وهو محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي ينظر ضبط هذا لهذه النسبة قال المولود سنة 50 و100 il est né en 150 de l'Hégire قال وتوفي سنة 200 il est mort en 204 il a vécu 54 ans رحمة الله عليه يقول رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم في الحقيقة الإمام الشافعي كما قال العلامة الإمام حماد الأنصاري أنه il a fait des recherches et il a pas trouvé أن الشافعي l'a dit cette كلمة بالنص فلعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب il l'a rapporté بالمعنى il l'a pas rapporté mot à mot أما الإمام الشافعي قال سبحان الله شيخ عبد العزيز قال وفي رواية أي dans une autre narration الإمام الشافعي il a dit et c'est ça الصحيح أنه il a dit بهذا الكلام لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم si les gens ils auraient médité في هذه السورة elle leur aurait suffi نعم أما la première رواية que Cheikh al-Islam il a cité فلعله il l'a cité بالمعنى قال الشيخ عبد العزيز أي لو نظروا فيها وتأملوا فيها لكانت كافية في إلزامهم بالحق صحيح لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها الإيمان الإيمان سي أصل الدين الفوندمون دو نوتر دين سي الإيمان الأركان الست ذكر العمل الصالح لأن الإيمان سو عمل لا يكفي الإيمان قول وعمل واعتقاد أوبليجي دابور العقيدة الإيمان أوبليجي دابور العمل كذلك إي الأقوال يعني الأقوال سي دي أعمال سي دي زوب دي زوب دو لا لونغ قال وقيامهم بما أوجب الله عليهم والترك ما حرمه عليهم سي سا نوتخ الدين Notre dîn, c'est des obligations, des devoirs et des interdictions. Tu as des limites. C'est ça un dîn. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu n'es pas libre, comme ils disent, Ahlul Dalal ou Al-Ilhad. Là, tu es un abd. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour l'ibada. Fantabihu li makra al-kuffar. Vous avez remarqué que le kuffar, ils appellent souvent à ces choses, ces principes batil, qui contredisent les fondements de notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour l'ibada. Et on a des ordres, des devoirs, on a des droits, on a des choses qui sont interdites, des choses qui sont autorisées. Al-Muhim, on a un dîn, on a des limites. Hum, ils sont venus, ils te disent, t'es libre. Et tu fais ce que tu veux. Fahdharu min hadha. Chaque musulman, il doit prendre garde et mettre en garde contre hadha shar. Et walillahi alhamd, nahnu, c'est un honneur. Makrama min Allah subhanahu wa ta'ala. D'être des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, d'obéir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Tu es obligé d'être reconnaissant. En l'adorant, en reconnaissant que c'est le Créateur, en lui associant personne. C'est ça un abd, salih. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ha'oula, il leur a donné. Thumma à la fin, on est libre. Et on fait ce qu'on veut. Bel, celui qui adore Allah Azza wa Jal, qui fait des efforts, yit'anouna fih. Ah, là, c'est Al-Kafara. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés Kuffar. Et ils ne reconnaissent pas les bienfaits. C'est des Kafara. Et ils n'adorent pas Allah Azza wa Jal. Qala, لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون. نعم, الفائزون. Celui qui veut la réussite, في الدنيا وفي الآخرة, il fait des efforts dans ces quatre choses. Al-Iman. والعمل الصالح والدعوة والصبر قال وهم ومن سواهم خاسر نعم كما قال عز وجل إن الإنسان لفي خسر الله سبحانه وتعالى أقسم على ذلك بالعصر والعصر العصر c'est الزمن c'est le temps الله سبحانه وتعالى أقسم به tellement que ces choses elles sont importantes لأن chaque être humain il veut réussir. Personne aime se faire châtier, aime les problèmes, aime la douleur, personne aime hadhihi al-umur. Tout le monde veut réussir. Lakin pour réussir, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé, et il a créé le jannah wal nar. Le jannah c'est pour ceux qui ont réussi, le nar c'est pour ceux qui n'ont pas réussi, et il t'a montré le tariq. Anta, en tant que créature, tu dois suivre hadhihi al-tariq. Si tu veux arriver à dar al-jannah, al-fawz al-adhim. Amma, ce qui propage le kuffar, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Bal yata'anouna fil islam. Ça emmènera la personne illa fil nar. Innal insana la fi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré les principes qui vont te sortir et t'éviter cette perte. Fa ne les cherche pas inda a'da illa. Eux, ils font croire que le bonheur, tu vas le trouver dans la démocratie, dans la liberté, dans la modernité. Le malheur pour eux, tout le malheur pour eux, c'est revenir au Coran et à la Sunna. Lakin nahnu on est des ibad lillahi azza wa jal. Et on doit faire des efforts en la nakhaf illahi laumat la'im. Et on sait qu'on sera tous rassemblés indallah. Et ces kafaraïs ne seront d'aucune utilité. Bel, ils seront d'aucune utilité à eux-mêmes. Accroche-toi à ce dîn. Accroche-toi à ces quatre choses. L'Iman, l'amal salih, l'da'wa, l'sabr. Et Inch'Allah, tu feras partie de, comme il a dit Cheikh Ibn Baz, Ar-Rabihoun, An-Najoun, Al-Fa'izoun. قال وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربع. تبانو تشما الله سبحانه وتعالى إنو زكري الله سبحانه وتعالى يسيتو يسلوك أكري الجنة والنار فنتفي بأفوار أخي الكريم يكيس الشما الإيمان العقيدة الإخلاص Je fais des efforts dans ton tawhid, dans ta aqida. Al-amal al-salih, t'appliques. T'appliques cette aqida, ce iman. Tu fais salat. C'est amoud al-din. C'est le deuxième pilier après shahadatayn. Tu donnes l'importance avant salat aux deux shahadas. Nutqan, wa fahman, wa da'watan. Et tu les prononces. Tu fais du dhikr avec. Kadhalik, tu connais la ma'na. Tu connais ce qui contredit ces deux shahadas. كذلك tu fais da'wa, tu appelles les gens à ces deux shahada. C'est ça qui va t'être utile. Tu donnes l'importance à la salat, les autres piliers de l'islam, le hajj, le siyam, le zakat, le bon comportement, le wala wal bara. Tout ça avec da'wa, tu propages selon tes capacités et tu patientes. Inch'Allah ta'ala, tu es sur le chemin qui mène à la réussite. Walau kariha al-kafirun. Qala illa bi hadhihi as-sifat al-arba' إيمان صادق بالله ورسوله إيمان صادق tu crois pas comme tu veux là ça doit être un إيمان il est fondé sur صدق والإخلاص تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى c'est الرب المستحق للعبادة إلى دي أسماء دي الصفات كذلك تؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم c'est un رسول من الله الله سبحانه وتعالى il lui a révélé le Coran tu dois le suivre et si tu diverges avec quelqu'un tu reviens à la parole d'Allah dans le Coran et à son messager. C'est ça l'explication des deux shahadas. Amma iman, une parole qui est prononcée, faqat, et il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'amal, bel, robbama ba'duhum, ils contredisent cette aqid, enfin, c'est d'aucune utilité. Ba'duhum, ils contredisent tout ça avec shirk. Comment il prétend être musulman? Là, hadha l'islam, il a des fondements, il a des bases, il a des choses qui l'annulent. Tout ça, le musulman, il doit connaître, inshallah, hatta, il préserve son dîn. Et ce dîn, ça devient la cause de sa réussite. قَالَ وَعَمَلٌ صَالِحٌ وَتَوَاصٌ بِالْحَقِّ وَتَوَاصٌ بِالصَّبْرِ هذه الصفات تقدمت معنا. Et, في الحقيقة, هذه السورة, كما قال الشافعي, رحمة الله عليه, لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. صحيح, cette سورة, que tout le monde que chaque musulman plutôt, ou la plupart des musulmans, la grande majorité des musulmans connaissent et ils la récitent, حَقَقَ لَا دِمَعَانِ عَظِيمًا لَكِنْ هَذَا الْقُرْآنِ il faut le lire بِالتَدَبُّر تَدَبُّر et en méditant et tu pourras méditer que si tu connais l'essence. Ça te montre l'importance de la langue arabe, l'importance de revenir aux savants du tafsir, l'importance d'étudier le Coran, surtout les petites sourates qu'on récite tout le temps, tous les jours, fais salat, wa fais ghayriha. Pour connaître le ma'na, ça te fera monter ton iman et tu connaîtras l'islam à la haqiqati. Ne comprends pas l'islam avec la traduction des kuffars. Ne comprends pas l'islam avec l'explication des kuffars. Ta'lamoun anna al-kuffar ils mettent en avant certains versets. Lianna c'est dans leur profit à eux. Et ils combattent certains versets. Liannahum ça ne les arrange pas. Amma nahnu la, on est des muslimoun wa na'taqid anna al-Qur'an kullu c'est kalamullah. Et tout ce Coran, c'est pour notre bien-être à nous. Donc on fait des efforts et on applique selon nos capacités. قال شيخ الإسلام وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. شيخ الإسلام il a rapporté cette parole de l'imam al-Bukhari, c'est une parole azima, il l'a cité fi sahih. Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Et ça, c'est très très profitable pour le musulman. Annahu son din, il est fondé sur l'ilm. Avant de parler fi dinillah, avant de œuvrer fi dinillah azza wa jal, akhi al-muslim, tu dois faire des efforts fi l'ilm. Enfin, ne fais pas une chose avec ignorance. Rubbama, cette chose, elle contredit l'islam. Elle annule l'islam. Rubbama, cette chose, elle ne fait pas partie de l'islam. Tu n'as aucun ajr. Toujours, tu fais les choses, tu les fais bi'ilm. Avant de faire une chose, tu demandes. C'est quoi le délil, la preuve dans le Coran ou fi sunna de cette chose? Est-ce que cette chose elle va me rapprocher d'Allah vraiment? Les nakatir min al-nas, ils font des choses et ça fait pas partie de notre dîn. Tout ça avec l'étiquette de l'islam. Et ils prétendent que ça fait partie du dîn. فالعلم قبل القول والعمل. Si tu veux avancer dans ton dîn, toujours ce principe. Et c'est fondé sur قول الله عز وجل فعلم. Allah سبحانه وتعالى il a cité l'ilm. أنه لا إله إلا الله. واستغفر لذنبك. Donc Allah سبحانه وتعالى il a commencé par l'ilm. ثم t'appliques, tu dis لا إله إلا الله. ثم العمل. C'est ça notre dîn. أما œuvrer sans science, ça ouvre les portes de l'bid'a. Shirkiyat, khurafat. Comme ils ont fait le Nasara, les chrétiens, ils ont perdu leur dîn. Hatta ils sont arrivés à un niveau, annahum, ils ont prétendu, anna Isa, c'est le fils d'Allah. Limad, allez, annahum, ils ont parlé sans ilm. Et ils ont ouvert ce bab à la anfusihim. Fa nahnu la. Nahnu, on parle bi'ilm. Si on ne sait pas, Allahu a'lam, et on revient à ahle dhikr. As'alu ahle dhikr, in kuntum la ta'lamun. Qala Sheikh bin Baz, yaqul, rahimahullah, أو قرأنا قال البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري من بخارى في الشرق الأوسط نعم البخاري إمام كبير صاحب الصحيح سكون ياسي أبو عبد الله سنونس محمد بن إسماعيل البخاري بين بخارى قال ولد سنة 94 ومئة Il est né en 194 de l'Égypte, rahmatullah alayhi. Fi akhir al-qarn al-thani, wa mata sanat 56. Il est mort en 256. Wa mi'atayn fi wasat al-qarn al-thalith, kana umruhu 62 sana. Il est mort à 62 ans. Wa huwa sahib al-sahih. Na'am, et c'est un kitab azim. C'est anfa' wa ahsan al-kutub al-musannafa. Et après le Coran al-Karim. Il a rassemblé des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des asanides sahiha. C'est le livre le plus authentique. Et les musulmans, ils doivent donner de l'importance à ce livre. Ce livre, il te démontre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Khassatan l'imam Bukhari, il l'a classé avec des chapitres nafi'a, avec des titres muhimma. Il a cité des hadiths sahiha. Donc on doit faire des efforts à هذا الكتاب قراءة وحفظا ودراسة وفهما ودعوة لأنه c'est كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال وله مؤلفات أخرى عظيمة نافعة رحمه الله كالأدب المفرد كذلك c'est un كتاب طيب كذلك كتابه في العقيدة خلق فعل العباد كذلك إلى جزء القراءة جزء رفع اليدين إلى التاريخ L'imam Bukhari, il a des kutub nafi'a et ahsanuha wa ashharuha, c'est al-sahih. Qala yaqul bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal li qawlihi subhanahu wa ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah fa'bada'a bil-ilm qabla al-qawli wal-amal fa'l-insan alayhi an yata'allam awwalan on fait des efforts fil-ilm. Tu veux faire al-salat, apprends comment faire tahara awwalan. Et t'apprends à faire tahara al-wudu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré. Pas comme les gens y font. Les gens peuvent se tromper. Ou ton père, ou ton pays, ou tout le monde fait comme ça. Pourquoi je ne ferai pas comme ça? Là, toujours tu te mets comme objectif et comme principe, ma ibada, elle est fondée sur l'ilm. Et l'ilm, c'est ce qu'il y a dans le Coran et dans le sunnah. Kadhalika as-salat. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala sallu kama ra'aytumuni usalli. En fait, sallam, il t'a ordonné, fais salat comme je fais salat. Enfin, l'exemple, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. C'est pour ça que tu trouves fais salat. Certaines personnes, ils lèvent les mains. Certaines personnes, ne lèvent pas les mains. Certaines personnes, ils mettent les mains dans telle position. D'autres, non. D'autres, ils font rapide. D'autres, ils font doucement. D'autres... Tu trouves les salat dans des massages, si tu observes. Il y a beaucoup de musulmans, ils n'ont pas la même salat. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال صلوا كما رأيتموني أصلي. انت si tu veux suivre les gens, tu pourras pas. Hada il lève les mains, hada il lève pas, hada il lève beaucoup, hada il lève pas beaucoup. Tu reviens à sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah il t'a ordonné hada. Allah il t'a ordonné de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وما آتاكم الرسول فخذوه. Apprends ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a donné. Hakada fi shahada. Shahadatayn. Tu trouves بعض الناس, ils expliquent la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Les autres ils disent la raziqa illallah. Les autres ils disent la wujud ou la mawjud illallah. Tafasir kathira. Reviens au kitab et à la sunna. Et tu verras que al-ma'na al-haq, c'est man fassaraha bi la ma'boud bi haqqin illallah. Personne ne mérite l'adoration illallah. Comme a dit Allah Azza wa Jal, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت بالشرك ويؤمن بالله يعبد الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Et on verra inshallah ce livre c'est fait pour ça, pour comprendre cette shahada. على كل حال toujours on a العلم قبل القول والعمل. Et للأسف beaucoup de gens quand c'est dunya, vous avez remarqué, ils font des recherches, font des recherches, des efforts. Obama, il veut acheter un terrain. Avant de l'acheter, il se renseigne, il téléphone, il se déplace. Tout ça, c'est des recherches. Il y en a, il y a de l'argent, j'ai une grosse somme. Quand c'est fi dinillah, fabaduhum kanna, il fait pour se débarrasser, ou il fait pour dire que j'ai fait, au moins j'ai fait. C'est pas comme ça, tu dis. Il y a des recherches. Tu veux faire le hajj, il y a des recherches à moi. Comment je fais l'ihram, comment je fais le tawaf, à quelle heure je vais à Muzdalifa, à quelle heure je peux partir de Arafat, al-rajm, le lancer de pierre, je le fais quand, quand est-ce que je peux pas le faire, est-ce que je suis excusé, je fais partie des personnes excusées, siyam ramadan, nafs shay, est-ce que j'ai le droit de faire telle chose, est-ce que j'ai pas le droit de faire telle chose, c'est quand que je peux arrêter de, c'est quand que je dois arrêter de manger, c'est quand que je peux manger, ça commence quand ramadan, ça finit quand, les personnes excusées, qu'est-ce qu'elles doivent faire, c'est ça l'ilm. Ah, mais une coutume. Je jeûne, je mange pas, je bois pas. Et pardon, ils rajoutent, ils mettent pas de parfum. C'est pas hakada, notre dit. Pardon, son siyam, ils mangent pas, ils boivent pas. Et ils ont conclu, pardon, je mets pas de parfum. Madri, d'où ils emmènent hada? Alors que notre dit, tu peux mettre du parfum, faut siyam. Din, c'est fondé sur l'ilm. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des efforts. Al-Ulama, ils ont fait des efforts. Anta walillahi alhamd, t'as plus qu'à prendre. Tu sais pas demain. Ah, mais tu fais comme les autres, ils ont fait là. À l'école, ils ont des conditions. Ils t'apprennent, Thomas, t'as des contrôles, t'as des examens, Thomas. Dans ton entreprise, t'as des codes. Tu sais pas ce que tu veux. Tu dois venir à telle heure, telle chose t'as le droit, telle chose t'as pas le droit. Ta pause à telle heure. Chaque chose. Et ils te le montrent eux au début. C'est leur ilm. Et après, tu fais, t'appliques. Pourquoi dans le din, c'est pas comme ça? Dans le din, tout le monde rend, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde délaisse ce qu'il veut. C'est pas hakada, c'est ça qui nous a affaiblis. Amma salaf, il donnait beaucoup d'importance. Enfin, ce din, il était qawi, indahum. Hatta, il se propageait bi sur'a. Même, ils étaient beaucoup moins que nous. Nahnu l'an, les chiffres, ils disaient 1 milliard, akthar, aqal, Allahu a'lam, muhim, des millions de muslimines. Et ils ont pas la même force que les milliers qu'il y avait à l'époque. Il y en a les milliers qu'il y avait à l'époque, c'était ilm. قبل القول والعمل. Ma nahnu, beaucoup c'est des coutumes, beaucoup c'est des khurafat, beaucoup c'est des choses qui n'ont aucun fondement. Et c'est au nom de l'islam. Et ce ilm, tu le propages. Anta, t'es un talib, tu fais des efforts, tu propages. Comme on a vu dans les 4 masa'il précédentes. Al-da'wa wa al-sabr. Qala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, i'lam, rahimakallah, annahu yajibu ala. On avait fini la fin de فالإنسان ما أظن نقرأ فيني طيب قال on finit la parole sur Ibn Baz فالإنسان عليه يتعلم أولا ثم يعمل فيتعلم دينه ويعمل على بصيرة والله أعلم يعني كلام Ibn Baz كلام مختصر جميل ثم قال شيخ الإسلام اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. قال شيخ ابن باز هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه. نعم. Donc شيخ الإسلام il a cité cette introduction. Il a cité أنه on doit connaître 4 choses: العلم والعمل والدعوة والصبر. ثم il nous a montré الدليل من سورة العصر. ثم il nous a montré l'importance de cette sourate avec le kalam de l'imam Shafi'i. ثم il nous montre un principe. Il va t'expliquer ton dit, surtout ce qui est rapport avec Tawhid. Avant de rentrer dans le sujet, il te met une règle. Avant de parler, de croire, de faire, al-ilm. Et pour te montrer que ce qui va citer l'un s'est fondé sur le kitab ou le sunnah, t'es obligé de le prendre. On ne le prend pas parce que c'est kalam Cheikh l'islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou parce que la risale elle est connue là. Les annahu c'est du ilm. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Thumma, il va te montrer trois points essentiels fait tawhid. Ce kalam il est muhim. Thumma, rahmatullah alayh, il va rentrer fait al-usul al-thalat. Fal-tartib il est jayyid. Et ça, ça montre quoi Cheikh l'islam. Avant de citer les trois fondements, il te cite ces points. Tu peux appeler ça une introduction. Ça te prépare à comprendre les trois fondements. Donc, il a cité Al-Ula, la première mas'ala. Anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Première chose en tant qu'être humain, en tant qu'abd, tu dois avoir cette conviction et ce ilm. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a tout donné. Il t'a pas délaissé hamala. Et on va voir c'est quoi hamala. Et sans but, sans objectif. Là, il t'a créé. Et tu vas voir dans les autres masa'il, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour quelque chose de précis. Qala shaykhul islam anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bal arsala ilayna rasoula. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas créé sans but, sans objectif. Pour qu'on mange, pour qu'on boit, pour qu'on dort. On se marie, on fait des enfants, baisse. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés et il a envoyé un messager. Pour toute l'humanité. Chaque peuple, il leur a envoyé un messager. Et on va voir pourquoi il l'a envoyé, comme c'est cité dans le verset. Et le dernier messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vu que c'est le dernier, il a été envoyé pour tout le monde. Et plus personne n'a d'excuses. Ceux qui ont entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas d'excuses, ils doivent le suivre. فَمَنْ قَالَ فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Celui qui obéit à ce messager, il rentre dans le jannah. وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Celui qui lui désobéit, il rentre dans le nar. Ça ne veut pas dire que celui qui fait une ma'asiyah, ou qui délaisse une sunnah, ou qui fait une bid'ah, أَنَّهُ c'est un kafir, il est en enfer. Là, وَمَنْ عَصَاهُ est celui qui ne le suit pas dans tout. Mais celui qui a des faiblesses, c'est autre chose. هذا معروف. قال والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Ça, ça montre que عصيان فرعون les Moussa, c'était qu'il a pas accepté sa da'wa, il a pas accepté le tawhid. Ce premier point, il est مهم. أنك أيها العبد t'a été créé pour un but bien précis. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في الشرح الله خلق الخلق ليعبدوه فلم يخلقهم هملا. Pourquoi? Et ça c'est une question essentielle que tout le monde doit se poser في الحقيقة. Pourquoi j'ai été créé? Et la réponse elle est في القرآن الكريم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc Allah سبحانه وتعالى nous a créé que pour l'عبادة. قال الشيخ بن باز ولا سدى ولا عبثا اي tout ça c'est des hamala wa suda wa abatha, c'est des mots qui sont proches et dans le sens ay sans objectif. Ay Allah subhanahu wa ta'ala il nous a pas créé en vain hakada. Là, il nous a créé pour quelque chose de azim. لان Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-hakim. Tout ce qui fait c'est bi hikma. Fal hikma min khalq al-ins wal jinn, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. قال لكن خلقهم لأمر عظيم ولحكمة عظيمة فيها سعادتهم وفيها نجاتهم. Comme on a vu dans سورة العصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. C'est ça العبادة. الإيمان والعمل. Donc ceux-là, ils seront sauvés. قال وهم وهي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة أمرهم الله بها في قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre pourquoi il a créé le djinn wal ins. Pour l'ibada. Le deuxième verset que Cheikh Abdel Aziz il a cité, c'est un ordre. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour l'ibada, sache que cette ibada, elle est obligatoire. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أمر من الله سبحانه وتعالى بالعبادة وفي قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Ce troisième verset il te montre أن l'adoration c'est une obligation, كذلك écarte-toi du shirk. لأن الشرك كما سيأتي معنا il annule cette adoration. Donc tu as trois choses essentielles. En tant qu'être humain, tu dois savoir أولاً Allah t'a créé pour l'ibad. Deuxièmement, tu dois savoir, et c'est là que tu vas appliquer, que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a ordonné et il t'a pas le choix, tu dois l'adorer. Troisièmement, tu dois savoir qu'il y a des choses qui annulent cette ibad et c'est shirk. Donc si tu as ces trois choses inshallah ta'ala, tu seras à la khair. قال وفي قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم, le quatrième verset il explique acter le troisième. Et cette ibada, tu dois être sincère. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour l'adoration et il t'a interdit d'adorer un autre. Donc ça, c'est essentiel. Et c'est ce qu'on appelle at-tawhid. Et c'est ça la base de l'islam. Et c'est ça l'explication de la shahada qu'il faut dire pour entrer dans l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah. C'est pas une parole sans sens. C'est pas une parole, on la prononce et tout. Là, c'est une parole avec un sens et on s'écarte des annulations. قال في آيات كثيرة أمرهم فيها بالعبادة وهي توحيده جل وعلا. Et ça c'est une faïda. أن tous les versets qui sont dans le Coran al-Karim ou qui a l'ibada, l'ibada c'est بمعنى التوحيد. Allah subhanahu wa ta'ala s'il ordonne l'ibada dans le Coran, أي c'est بمعنى التوحيد. لأن l'ibada لا تصح إلا مع التوحيد. وجاء هذا عن ابن عباس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال يوحدون. فالعباده quand elle est citée dans le Coran c'est بمعنى التوحيد لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل الا من العباده الا ما كان خالصا لوجهه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. C'est ça l'ibada الصحيحه. تستفيد من هذا ان يد عبادات elles sont pas صحيحه. Il adore Allah et il adore un autre, ou il adore Allah il est pas sincère, il fait ça pour les gens. Ah oui, il adore Allah, il ne suit pas le prophète, c'est des bidats. Tout ça, c'est imma des ibadat shirkiyah pour autre qu'Allah, imma ibadat muhdatha, c'est pas accepté indallah. Fala bud que la ibadat soit sahiha. Dans sourate al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité l'ibadat sahiha dans sourate al-Asr. Dans quel verset? Indaman? Sourate al-Asr qu'on a étudié ensemble. Hein? Ahsant wa amilu s-saliha. C'est ça, l'ibadat sahiha. قال وتخصيصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة والصوم وغير ذلك. Tout ça, Cheikh l'Islam, il les a cités ces ibadats dans l'usul al-thalat, فإنشاءالله on détaillera هناك. قال فهو المستحق للعبادة جل وعلا دون كل ما سوى ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي. Ça c'est une précision طيبة كذلك. أن العبادة c'est pas que faire des choses. Là, l'ibada c'est appliquer, faire as-salat, was-siyam, etc. كذلك délaisser les interdits. Tu les délaisses pour Allah, c'est une ibada. فمثلا من اعظم العبادات c'est التوحيد. كذلك tu dois délaisser le shirk. التوحيد et délaisser le shirk c'est une ibada. قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت يدلسل الشرك ويؤمن بالله التوحيد فقد استمسك بالعروة الوثقى. C'est celui-là qui a haqqaq la ilaha illallah a'zamu l'ibadat. Donc les deux. Kadhalik al-sunnah. On fait sunnah et on délaisse al-bida'a. Kadhalik al-wala wal-bara. On aime fillah et on déteste fillah. Qala fa'ada'u al-awamir allati amaraka Allah biha wa rasuluhu wa tarka al-nawahi allati nahaka Allah wa rasuluhu kullu hadha dakhilun fil ibada wa hadha huwa al-islam. C'est ça l'islam al-haqq. الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Des ordres à faire et des interdits. Pas l'islam de France que Al-Kafara, ils essayent d'imposer l'âme. L'islam de France, vous avez remarqué, il ne parle jamais d'ibadat ou délaisser des interdits. Là, c'est un islam qui vont agréer hum, et ils vont être satisfaits de l'islam. Ça ne leur fait aucun mal et ça ne prend pas leurs enfants. C'est ça qu'ils veulent hum. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فسيسا الإسلام de France qui veulent. C'est un islam, une étiquette pour t'emmener au kufr. Délaisser les obligations, التوحيد والصلاة etc. Les interdits, t'es libre. Hatta tu deviens une proie pour eux. À tout moment, ils t'appellent alors madhab batil. Imma la démocratie, imma la laïcité, imma l'yahoudia, imma l'nasraniya. Al-muhim, tout, mais pas un musulman. Fahdar, al-islam al-haq, c'est hada. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الإسلام الحق tu le prends من كلام ربك ومن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم pas من عدو من أعداء الله نجس qui va te montrer ton دين قال وهذا هو الإسلام وهو الدين وهو الإيمان وهو الهدى فلا تصلي إلا لله ولا تركع إلا لله ولا تذبح إلا لله ولا تدعو إلا إياه ولا تتوكل إلا عليه إلى غير ذلك من العبادات. Donc toutes ces ibadat, awlan al-ilm, avant, hatta t'adore Allah ala basira, et la sincérité, tu fais que pour Allah. Pas de salat li ghayrillah, pas de tawaf li ghayrillah, pas de dhabh li ghayrillah. Et ce point, il va être détaillé plus tard. Qala, amma al-isti'ana bi hadirin qadirin fima yaqdir alayh, fahada laysa bi ibadah. Et ça c'est un point. Qad yaqul qa'il, الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين فالاستعانة سن عبادة il peut dire لكن j'ai demandé de l'aide à fulan مثلا je suis en voiture ma voiture allait en panne et j'ai demandé à une personne de l'aide il peut dire فعلى قولكم j'ai fait du shirk j'ai demandé à un autre alors qu'Allah dit il faut demander qu'à lui إياك نعبد وإياك نستعين Cheikh Ibn Baz, il te montre Amma l'isti'ana bi hadir, amma si tu demandes de l'aide à quelqu'un de présent qui est capable de t'aider, fahada, c'est pas une ibadah. Et si tu le demandes, t'es pas tombé fi shirk. Là, l'ana, c'est quelque chose de normal. Tu lui demandes et il est présent et il est capable. La différence, c'est que si tu demandes à quelqu'un qui n'est pas présent et qui n'est pas capable, c'est que ton cœur il est accroché à cette chose. Mathalan. On tombe en panne en voiture, on demande à quelqu'un qui est présent, il est capable. Mathalan, il nous aide à pousser, ou il a de la khibra, il nous aide à réparer. Il est capable et il est présent. Al-an, wahad wal-ayadu billah, il tombe en panne et il demande à Sidi Fulan, un mort qui est enterré à 5000 km. Et il lui demande de l'aide. Hada, c'est du shirk. Est-ce que ce mort, il est capable de l'aider? Là. Est-ce que c'est un sabab? Là. Pourquoi il ne demande pas à Allah? Il a demandé à ce mort, لِأَنَّ قَلْبَهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ Et c'est ça, الشرك بالله. Donc, il y a une énorme différence entre les deux sourates. C'est pour ça que Cheikh Ibn Baz, il a précisé. قَالَ فَهَذَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي قِصَّةِ مُوسَى فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ نعم, الاستغاثة سيأتي معنا. Ça ressemble à الاستعانة. قَالَ فَإِنَّ مُوسَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُغِيثَ نعم الاستغاثة l'aider lui enlever un char lui enlever un mal Moussa il était capable لأنه il était présent il a aidé cet homme قال أما دعاء الميت ودعاء الغائب الذي لا يسمع كلامك أو دعاء الصنم أو الجن أو الأشجار ونحوها فهذا شرك المشركين Cheikh Ibn Baz il insiste pour montrer أن الشرك c'est grave il cite des exemples شرك est propagé قال وهو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم La plus grande injustice c'est الشرك لماذا؟ لأن الله خلقك ورزقك il t'a facilité après tout ça هذا المشرك il adore un autre c'est l'injustice pourquoi t'adores pas celui qui t'a créé celui qui t'a donné هذا هو الظلم قال وقال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ce shirk adorer autre qu'Allah même si cette personne elle adore Allah لكن elle adore un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala elle lui a associé une créature dans l'adoration toutes ses œuvres elles sont annulées Cheikh Ibn Baz il insiste sur ça لماذا لان il te montre que cette ibada que Allah t'a créé l'objectif c'est هذا elle sera pas sahiha et utile que si tu t'écartes du shirk. Amma wahad fi as-salat, fi as-siyam, fi al-hajj. Thumma il égorge pour des tombes, il fait tawaf pour des tombes, il fait soujoud, il demande à des morts. Toutes ces ibadat qu'il a fait, ça s'appelle ibada, lakin c'est ghayr maqboul. Même s'il était sincère dans cette ibada, li'anna il a annulé cette ibada avec du shirk. Comme celui qui fait ses ablutions à l'eau d'eau et il les annule en allant aux toilettes. Il a annulé le wudu, même s'il était sincère. Il doit refaire le wudu, il doit le refaire, il l'a plus. فهكذا الشرك لا نول العبادة كما بين شيخ الإسلام رحمة الله عليه في القواعد الأربع dans la مقدمة il a donné ce mital avec الطهارة وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كذلك الشرك الله سبحانه وتعالى il ne pardonne pas أي من مات على الشرك الأكبر أما celui qui fait التوبة avant de mourir فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك نعم il a cité un verset semblable أن celui qui fait du shirk akbar Allah lui annule ses œuvres فالله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أمرنا بتوحيده وطاعته وترك معصيته أي الله سبحانه وتعالى t'a ordonné العبادة Et il a envoyé un rasoul pour te montrer comment l'adorer. Ça c'est un délil qui va citer dans le Coran. Inna arsalna ilaykum rasoulan pour montrer que tu n'adores pas Allah comme tu veux. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme il t'a ordonné. Wastaqim kama umirta qala azza wa jal. Staqim, et prends le droit chemin comme on t'a ordonné. Pas comme tu veux toi. Pas comme tu veux toi. Là, l'istiqama, elle a des shurut, elle a une kayfiyya. على ديزانولاسيون فالعلم قبل القول والعمل قال شيخ ابن باز وارسل الينا رسولا وهو محمد عليه الصلاه والسلام ان شاء الله on va détailler dans le troisième fondement معرفه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما تقدم وانزل عليه القران بذلك لنستقيم على ما فيه من الهدى ونعمل بما فيه من الاوامر نعم دونك القران سلا ريفيرونس قال ننتهي عما فيه من النواهي وعلى يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين جاء ليعلم الناس دينهم فهو خاتم الأنبياء وإمامهم وأفضلهم Donc, pour comprendre ton din, tu dois revenir à ce rasoul. Tu ne dois pas revenir à un tel, à Fulan. Là, tu dois revenir à هذا الرسول. Il a été envoyé que pour ça, pour propager ce din. C'est pour ça que Nabi Sassan nous a appris comment faire salat, comment faire siyam, comment faire l'hajj, etc. Les choses qui ne sont pas citées dans le Coran, tu les trouveras détaillées fi sunnat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Thumma qal, faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan 'alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun ar-rasula fa akhadnahu akhdan wa bila. Qala Sheikh Ibn Baz فمن أطاع هذا الرسول واستقام على دينه فله الجنة. Donc celui qui veut rentrer في الجنة بإذن الله جل وعلا, il fait des efforts dans le suivi du Rasul. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة. Toute ma communauté rentreront في الجنة. إلا من يأبى. Sauf celui qui refuse. Ils lui ont dit يا رسول الله, qui c'est qui va refuser? الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة celui qui m'obéit rentrera في الجنة ومن عصاني فقد أبى celui qui me désobéit il ne veut pas donc le seul chemin qui emmène إلى الجنة c'est طاعة الرسول t'as pas un autre chemin فلا تغتر بالحاقدين الماكرين والله أن الكفار ce qu'ils veulent c'est écarté من هذا الخير إبليس إمامهم إمام الكفار c'est leur guide Il n'a pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, fa Allah subhanahu wa ta'ala taradahu min rahmatihi. Et hakam alayhi bi dukhul fi an-nar. Éternellement, ils rentreront en enfer. Et Adoubullah, avec ses suiveurs, ils feront tout pour t'écarter de ce khir que eux, ils goûteront pas, ils rentreront pas. Fahdar. Préserve. C'est ça l'avenir que tu dois préserver. Bardanas, yudandinoun, des heures, des mois, des années, toujours ils parlent de l'avenir, ton avenir. Ton avenir, al-haq, c'est le jannah. Allahumma cette dunya tasbir za'ila. Bien sûr, sans te priver des choses halal et du khayr. Inch'Allah, on ne se prive pas de dunya et les choses halal, permises. Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim. Et kadhalik, on espère la récompense fil jannah. Amma al-kuffar, ta'b fil dunya. Même les choses qui profitent, ils souffrent plus que ce qui profite. Et fil akhira, lahum al-adhab al-alim. Qala wa man asa hadha al-rasul wa hata an dinihi falahu an-nar. كما قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يعني بأعمالكم سين حجة Le rasoul que Allah il envoie à une communauté, c'est une hujja contre cette communauté. Et est-ce qu'ils vont le suivre ou pas? قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فهو مرسل عليه الصلاة والسلام. Et dans l'aya, c'est Moussa. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé à Pharaon et son peuple Moussa. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Pharaon, il n'a pas voulu obéir à Moussa et suivre Moussa. فَاللَّهُ subhanahu wa ta'ala, أَخَذَهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Et il est fin nar. كما قال عز وجل, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ils sont exposés au feu nuit et jour, et fait le qabr. Ça fait partie des adilla de adab le qabr. Et yawm al qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il les fera rentrer dans le châtiment le plus grand, an-nar. Qala ay akhadna fir'aun akhdan wa bilan fi dunya bil gharq. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a humilié adou Allah. Il l'a noyé. Et c'est une créature faible. Tout ce qu'il prétendait, etc. Allah, il l'a humilié, il l'a noyé devant tout le monde. قال وفي الآخرة بالنار. هذا البرومي بوين اللي مهم. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. فاتت la révision de l'apprentissage par cœur, continuez, révisez كذلك ce qu'on a appris أي من الشرح. Et le prochain cours إن شاء الله نستمر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.